entre l'amour et la haine, entre la guerre et la paix. Y'a un putain de gouffre, on nous ment, on en a assez. Lassé par les hommes, car on ne sait plus en qui faire confiance. De loin ou de près, toujours un brin de méfiance. Entre l'amour et la haine, entre la guerre et la paix. Y'a un putain de gouffre, on nous ment, on en a assez. Lassé par les hommes, car on ne sait plus en qui faire confiance. De loin ou de près, toujours un brin de méfiance. J'parle à plume ouverte, aucune perte et rien à gagner. Aucune peur et pas de plaisir à témoigner. On se perd entre une main tendue et un poignet. On fait l'affaire des chefs d'État et des douaniers. Les collègues font plus la paire, on est souvent condamnés. Les victimes d'adultère, l'amour n'a rien donné. Plusieurs divorces précaires et des enfants abandonnés. L'école d'anti-repères, ils s'y sont jamais retrouvés. Trop de gens sont déterrés et tuent juste pour toucher un billet. Des femmes enterrent leurs gosses simplement parce qu'ils criaient. Y'en a qui se croient les boss alors poussent à bout les ouvriers. Ils ont inventé le low cost pour se rappeler des oubliés. Ces hommes qui frappent leurs femmes pour n'ont pas du tablier. Ce mec qui pète un câble et frappe à mort un homme trop bronzé. Cette femme qui veut tuer son mari juste pour toucher l'assurance. La voix la ravie, elle sera sûre. Si t'as la réponse, dis-moi à qui je peux faire confiance. À quelle femme, à quel pote, à quel homme de ce monde. J'aurais pas besoin de ma méfiance. À qui je peux me raccrocher. Si t'as la réponse, dis-moi qui est susceptible de t'apporter quelque chose de bénéfique. Ils sont tous maquillés, susceptibles de t'apporter quelque chose de maléfique. Ils font la guerre et donnent des armes aux gosses de 12 ans. Aux 20h, plus que la misère du monde, c'est épuisant. Des kamikazes parce qu'ils ont dévié le Coran. Autant de sectes remplies puissent dans la faiblesse des gens. Figeant des familles entières, régnant, divisant. L'État l'a compris, franchement vous trouvez pas ça négligent. À la naissance, on te donne un prénom. Ensuite on te colle le numéro pour oublier qui t'es vraiment. Un conditionnement depuis le plus jeune âge. On doit être à la hauteur en tant que reflet de leur image. On n'est que des pions, mais ils ont oublié qu'on avait une âme. Qu'on avait des rêves, des sourires, des joies, des pleurs et des drames. Ils croient qu'on est des machines à faire de l'argent. On est juste des hommes avec des cœurs et des sentiments. Jamais je leur ferai confiance, jamais je me battrai pour eux, car ils nous mentent. Si t'as la réponse, dis-moi à qui je peux faire confiance. À quelle femme, à quel pote, à quel homme de ce monde. J'aurais pas besoin de ma méfiance. À qui je peux me raccrocher. Si t'as la réponse, dis-moi qui est susceptible de t'apporter quelque chose de bénéfique. Ils sont tous maquillés, susceptibles de t'apporter quelque chose de maléfique. Y'a la guerre, y'a la paix, y'a l'amour, y'a la haine. On fait la guerre sans la paix, mais y'a un peu d'amour dans la haine. Si la paix n'existait pas, on n'aurait pas besoin de faire la guerre. Et l'amour n'existerait pas si on ne pouvait pas avoir la haine. Y'a la confiance et la méfiance, on se méfie que dans un sens. On est sûr de ce qu'on croit être, mais on se confie dans l'essence. Notre essence c'est le paraître, connaître des gens honnêtes. Ça c'est ce que l'on croit, mais c'est pas sûr à 100%. Si t'as la réponse, dis-moi à qui je peux faire confiance. À quelle femme, à quel pote, à quel homme de ce monde. J'aurais pas besoin de ma méfiance. À qui je peux me raccrocher. Si t'as la réponse, dis-moi qui est susceptible de t'apporter quelque chose de bénéfique. Ils sont tous maquillés, susceptibles de t'apporter quelque chose de maléfique. Dis-moi à qui je peux me raccrocher. Dis-moi à qui je peux faire confiance. Si t'as la réponse, dis-moi à qui je peux faire confiance. À quelle femme, à quel pote, à quel homme de ce monde. J'aurais pas besoin de ma méfiance. J'ai pas besoin de ma méfiance.